Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. Coucou, vous êtes sur FPP 106.3, c'est la jungle des luttes, comme tous les troisièmes lundis du mois, de 19h à 20h30, et retransmis le quatrième jeudi de 8h à 9h30. Donc nous, le CSPCL, c'est le Comité de Solidarité avec les Peuples du Chiapas en Lutte, on vous propose ce programme, et donc aujourd'hui c'est férié, donc on n'est pas véritablement en direct, et donc on a monté cette émission la semaine dernière, avec pas mal d'émotions, même si on n'est pas en direct et qu'on n'est pas dans les locaux de FPP. On sait que Lucien, notre cher Lucien, n'est plus là et ça fait mal. Et donc Lucien va énormément nous manquer et donc on va lui dédier nos pauses musicales sur ce programme. Et je veux une pensée pour tous ces êtres chers, ces compagnons de route, de lutte, sur l'île de Gorée, en Martinique ou encore ici, et tous ceux qui l'ont aimé sincèrement. C'était une personne très généreuse, tellement souriante, tellement riche, que c'est une perte pour énormément de personnes, et je les salue bien. Et voilà, c'est un petit message de la part de Véroviki Klo. Et merci à toutes les personnes qui ont fait plein de messages réconfortants et des émissions et des programmes et qui soutiennent également Théo, son binôme, qu'on salue aussi. FPP, voilà, sans Lucien, c'est plus pareil. Mais bon, voilà, la vie continue, le chemin est long et la lucha sigue. Le petit programme aujourd'hui, justement, voilà, pendant que tout le chaos s'installe malheureusement un peu partout, on salue également les compagnons de Kanaky. La situation est extrêmement tendue, grave, on entend de tout là aujourd'hui, 15 mai. On parle d'état d'urgence, on parle de guérilla, on parle d'insurrection. On espère que vous êtes attentifs. Il y a déjà des mobilisations qui ont eu lieu et donc faites tout pour vous renseigner et soutenir tous ces peuples en lutte dans le monde. Et justement, c'est aussi ce que Lucien défendait, la dignité des peuples et la reconnaissance de tous ces peuples qui résistent depuis des siècles contre l'esclavage et l'esclavage moderne et le capitalisme et le libéralisme, etc., etc. Et justement, qui organise ce monde des Jeux Olympiques dont on va justement vous parler aujourd'hui. Et donc, on va faire une petite pause musicale et on reprendra donc ensuite notre émission avec, justement, comme je vous le disais déjà, un hommage à notre Lucien tant aimé. À vous, la suite, la lucha sigue. Hear the children crying. only I'm a Gideon. One love. So when the man comes, there will be no doom. One song. Have pity on those whose chances grow ten. There ain't no hiding place from the Father of creation. Yeah, yeah. FPP 106.3, la jungle des luttes. On est de retour avec le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte pour une émission spéciale JOP, Jeux Olympiques et Paralympiques, ou plutôt consacrée à sa critique, avec un enregistrement d'une conférence qui a eu lieu le 10 mai dernier, vendredi 10 mai dernier, à la Parole Errante. C'était dans le cadre d'un festival organisé par le Boxon, un club autogéré de sport, de boxe populaire, qui s'appelait Retour de Flamme. C'était plusieurs journées à la fois de sport, d'ateliers sportifs, d'ateliers de combat notamment, mais aussi des discussions, une déambulation le dimanche. Voilà, et le vendredi soir, on avait une discussion qui a commencé par la présentation du lancement de la revue Z. La revue Z, c'est une revue itinérante d'enquête et de critique sociale. À chaque fois, c'est un numéro papier par an, et cette équipe de 13 personnes va dans un lieu pendant un mois pour y vivre, pour y mener une enquête collective sur un sujet donné. Et cette année, le sujet, c'était les Jeux Olympiques et Paralympiques et le sport en Seine-Saint-Denis. Donc cette équipe s'est retrouvée pendant un mois, hébergée par des squats en Seine-Saint-Denis et a fait plein d'enquêtes, plein d'entretiens, a pris part aux luttes pendant un mois et en a tiré ce nouveau numéro qui sort en librairie le 17 mai. Et voilà, ce soir-là, le vendredi 10 mai dernier, à la Parole Errante, c'était le lancement de ce dernier numéro de la revue consacrée au JO. Après 30 minutes de présentation de ce dernier numéro, un peu son contenu, les personnes rencontrées, les collectifs rencontrés, je peux vous raconter un peu, mais les trois parties en fait, de la revue, elles sont divisées... D'abord, on a une première partie qui s'intitule « Corps hors jeu », qui est plutôt sur le rapport au corps dans le sport, sur les exclus de l'olympisme passé et actuel. Ça parle d'islamophobie, ça parle de validisme, ça parle de sexisme et de transphobie dans le sport, mais plein d'autres choses. Et ensuite, on a une deuxième partie qui s'appelle « Éteindre la flamme ». Et cette partie-là, elle est plutôt consacrée aux impacts des Jeux Olympiques et Paralympiques sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, en termes de gentrification, en termes de surveillance, en termes de grands projets, d'expulsion. Également aussi tout un dossier qui est consacré aux grèves qui ont eu lieu des travailleuses et travailleurs sans papier sur les chantiers des JO. Voilà, il y a toute une BD aussi très sympa sur le sujet bien difficile de la surveillance et de ces lois JOP qui ont permis de faire passer dans le droit la vidéosurveillance algorithmique. Ça, c'est la quadrature du net, notamment, qui en parle pas mal et qui vous pouvez aller chercher plus d'infos pour mieux comprendre les enjeux. Voilà, ça c'est un peu pour la deuxième partie de cette revue Z. Et la troisième, elle s'appelle « Monter sur le ring ». Et là, on s'intéresse un peu aux pratiques alternatives du sport, à des clubs, à des personnes qui se réapproprient le sport et qui en font quelque chose d'émancipateur. On a notamment une enquête de 8 pages sur le Seasoned, un club de boxe et de pole dance trans, qui est très très chouette. Voilà un peu ce que vous pouvez retrouver dans le Z. Et donc, l'enregistrement qu'on va vous passer maintenant, c'est la suite de... Après la présentation, en fait, de ce dernier numéro, il y a eu une discussion entre la revue Z et un collectif qui a une grande place dans ce dernier numéro, qui s'appelle Les Dévalideuses, qui est un groupe anti-féministe. Voilà, et cette discussion, elle approfondit un peu la critique des Jeux paralympiques et puis des JO en général. Et la question, elle va un peu interroger plein de choses, dont la question du validisme dans le milieu militant. Donc voilà, des discriminations faites aux personnes handicapées. En général, le validisme dans la société aussi. Donc voilà, c'est une discussion très riche, très, très chouette. C'est pour ça qu'on avait envie de vous la partager. Donc bonne écoute. Et donc maintenant, on va passer un peu à la deuxième partie, qui va plus être une partie de discussion avec les dévalideuses ici présentes. On a appelé cette discussion corps hors-jeu, un peu comme la première partie du Z. Hier, on a fait une première soirée de lancement de la revue, et c'était plutôt, c'était au Batiscaf, à Aubervilliers. Et là, le sujet, c'était plutôt cette deuxième partie que Aimée nous a décrite, donc plutôt éteindre la flamme, tout ce qui est les impacts des JOP. JOP, c'est les Jeux Olympiques et Paralympiques. Sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, sur ses habitantes. Et ce soir, on voulait parler d'un autre territoire qui est impacté par les Jeux, et c'est le corps. Et donc, le corps, donc, le rapport au corps dans le sport, mais aussi toutes les exclus de l'olympisme, à la fois historiquement, mais encore aujourd'hui. Et donc, avec une grande place donnée aussi aux questions anti-validistes. Mais pas que, dans cette première partie, vous allez retrouver aussi le sujet de l'islamophobie, avec les femmes voilées qui sont malheureusement exclues, non seulement des compétitions déjà au quotidien, mais dans certaines fédérations sportives du moins, mais aussi aujourd'hui, avec les Jeux 2024, les équipes françaises, on interdit en fait la participation des femmes voilées dans les équipes françaises pour les Jeux, alors qu'aucun autre pays du monde le fait. Donc voilà, ça c'est un des sujets que vous allez retrouver dans la revue et dans cette première partie corps hors jeu. Et je voulais vous lire juste l'ouverture de cette partie pour un peu mettre en introduire un peu cette discussion. Alors, les Jeux olympiques sont une lutte rude et farouche, ne convenant qu'à des êtres rudes et farouches. Qu'on ne vienne pas me parler d'Olympiade pour les femmes et les enfants, les faibles pour tout dire. Ça, c'était les propos de Pierre de Coubertin, fondateur du Comité international olympique en 1936, c'est-à-dire un mois après la fin des JO de Berlin organisés par le régime nazi. L'universalisme olympique n'a en effet jamais été à destination de tous, et ses exclusions d'hier et d'aujourd'hui persistent au nom de tout ce qui ne correspond pas à l'hégémonie occidentale et patriarcale. Ce ne sont pas quelques exemples d'inclusion mis en vitrine par le CIO qui suffisent à les remettre en cause. En Seine-Saint-Denis comme ailleurs, dans les compétitions ou non, certains corps sont maintenus à la marge par les institutions sportives et politiques. Alors, certains et certaines de ces oubliés s'organisent pour transformer le sport en un espace émancipateur, capable d'accueillir la diversité des manières d'être vivantes. Ce sont les mots de Mathilde, du collectif anti-féministe Les Dévalideuses, et donc la boucle est bouclée. Et ce soir, on a trop de chance d'avoir trois dévalideuses avec nous. Merci d'être là, c'est super. On a Lydie, Mathilde et Marianne. Et pour commencer, allons-y. Est-ce que vous voulez bien présenter votre collectif et revenir sur sa création, peut-être, et puis vos activités? Merci beaucoup d'avoir. Merci beaucoup la revue Z d'avoir pris le temps d'inviter les deux valideuses dans cette thématique. Je vais être claire avec vous tout de suite. Nous, les dévalideuses, les JO, c'est un prétexte pour parler d'antivalidisme. En fait, on ne parle pas beaucoup d'antivalidisme globalement, donc on en parle dans la sphère médiatique publique large. On en parle pour le Téléthon, donc là, en général, on fait un ramdam. Et après, on en parle une fois tous les 4 ans pour les Jeux paralympiques et olympiques. Donc, on est un collectif anti-féministe. Andy de handicap, parce que quand je le dis vite, les gens sont là, anti-féministe. Non, Andy de handicap, féministe. Et donc on est les dévalideuses, donc on lutte contre le validisme. Yes, vous êtes là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est le validisme? Ou plutôt, qui sait ce que c'est le validisme? Ok, donc pour les autres, le validisme, c'est un ensemble de pensées et de pratiques qui consistent à hiérarchiser les vies selon une norme médicale établie et culturelle, en fait, parce qu'en fait, en fonction des espaces sociaux et culturels dans lesquels on est plus ou moins organisé pour qu'on soit plus ou moins handicapé. Donc typiquement, l'exemple de base qu'on dit tout le temps, c'est que par exemple, les personnes qui ont des lunettes, elles ne vont pas se définir comme handicapées, mais il y a des personnes, si leur enlèvent leurs lunettes, elles ne peuvent pas conduire, elles ne peuvent pas lire, elles ne peuvent pas travailler. Et donc en fait, elles ne se disent pas handicapées parce qu'on est organisé dans la société pour qu'elles ne soient pas empêchées d'accéder à la vie sociale et collective. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Globalement, on est né suite à un constat assez simple qui était pendant la marche contre les violences sexistes et sexuelles du 25 novembre, je pense, 2018, dans lesquelles plusieurs militantes antivalidistes qui officiaient plutôt en ligne à la base ont fait le constat de dire « mais en fait, c'est hallucinant comme les femmes handicapées sont hyper, hyper à risque de vivre des violences sexistes et sexuelles. » Et là, dans le cortège immense, il y a zéro mot sur les femmes handicapées. Et donc, ça a été lancé comme une espèce de proposition ouverte. Il y a tellement de monde qui a répondu qu'ils ont fait un collectif qui, depuis, travaille à la fois à agir dans le monde pour donner des outils pour lutter, nous, mais surtout vous, contre le validisme, celui dans nos organisations, mais aussi le nôtre en nous, hein. Et après, on travaille aussi beaucoup à se structurer, parce que c'est pas rien de s'inventer en militantisme sur du temps, du travail gratuit, d'autant plus quand nos énergies et nos corps et nos manières de fonctionner sont aussi, on va dire, différentes, et aussi nos énergies sont rares. Non, mais c'est vrai, dans notre manifeste, c'est écrit « on est genre déterminé », et le point 2, c'est « on est fatigué ». Tu vois, c'est posé. Concrètement, on va avoir un peu deux modalités d'agir. On va avoir une première modalité qu'on ne fait pas souvent, mais c'est dans l'idéal de l'action de désobéissance civile. On l'a surtout mis en œuvre en septembre et octobre 2023, où on a bloqué le métro des Invalides. Déjà parce que c'était très marrant, les dévalideuses bloquent les Invalides. Impeccable. Donc, je veux dire, notre objectif, c'est de parler dans les médias. Ok. On avait fait ça pour dire qu'il y a 93% des stations de métro à Paris qui ne sont pas accessibles PMR. Et après, un mois plus tard, alors qu'on était épuisés, Lydie a dit « Ah non, mais là, c'est super, on ne lâche pas l'énergie, on va faire un autre truc dans une semaine. » Alors que l'action présidente, on a mis 3 mois à la préparer. On va investir le village paralympique dont vous parliez tout à l'heure. Et ce village paralympique, on l'a investi avec une grande banderole avec écrit « La France, médaille d'or du validisme ». Parce que pour nous, les JO, c'est vraiment l'occasion pour plein de monde de se faire mousser en parlant d'inclusivité. Et les Jeux paralympiques aussi, pour nous, ça sert à un récit qui nous convient pas tout à fait, mais on va en reparler. Et l'autre modalité d'action qu'on fait mieux depuis nos lits respectifs sur nos ordi, c'est créer des outils de pédagogie, traduire des textes, parce qu'en fait, beaucoup des textes sont en anglais. Les Disability Studies, les CRIP Studies, c'est beaucoup en anglais. Donc on produit plein de ressources sur notre blog. Et ensuite, globalement, on essaye de produire aussi des outils et d'interpeller. On aimerait bien interpeller nos opposants politiques, mais là, pour le moment, on est occupé à interpeller nos potentiels potes politiques. C'est-à-dire, on est en train de dire hey, « coucou les féministes, coucou les queeros, coucou les anarchistes autonomistes ». En fait, dévalidez-vous et faites de vos luttes des espaces accessibles pour qu'on puisse être là, parce qu'on a la dalle d'être avec vous, mais là, pour le moment, on ne peut pas. Et ce qui est un travail un peu spécial, parce que même les syndicats, par exemple, on a discuté queer par un travail, même les syndicats, la lutte contre le validisme n'est pas du tout structurée en place. Enfin, c'est même un mot. Pour vous dire à quel point on est vraiment la dernière des luttes, vous voyez la meuf qui s'est infiltrée chez les woke et qui a sorti un livre avec le point, là, la journaliste qui avait mis une perruque rose et qui a dit « infiltrée 6 mois chez les woke ». Oui. Bon, mais elle a dit « Oui, j'ai constaté qu'ils prétendent faire des espaces safe où il n'y aurait pas de racisme, pas de sexisme. » Donc là, elle liste plein d'oppressions et après, fini. Et entre guillemets, elle dit « Et pas de, ouvrez les guillemets, validisme. » Alors, on est là, ok. On est à la fin de la liste de cette meuf, entre guillemets. En voilà, donc nous, on vous demande d'aller sur le site des dévalideuses et de lire nos trucs. Et on a une action très importante dont il faut qu'on vous parle tout de suite. En ce moment, parce qu'on a plein d'actions, on lutte contre les MDPH, c'est pas du tout facile, parce que c'est départementalisé, on a plein de trucs en ce moment. Un gros truc qu'on a en ce moment, c'est la campagne « Ma voix, mon choix ». Tu veux le présenter, Lydie ? Ou je l'ai fait faire ? Qui a un téléphone cellulaire qui vous espionne en permanence ? Levez la main, allez, moi j'en ai un. On peut faire circuler ? Donc les gens qui ont un téléphone cellulaire, vous allez sur Internet et vous tapez ma voix, V-O-I-X, comme la voix que vous entendez, mon choix. Ou vous scannez le QR code quand vous vous faites arriver en flyer. Et vous allez arriver sur un site Internet qui vous propose de rendre l'IVG accessible partout et gratuite partout en Europe pour tout le monde. C'est quand même bien. Là, vous signez. C'est une ICE, c'est une initiative citoyenne européenne. C'est comme quand on force le Sénat à parler d'un truc qu'il ne veut pas parler en faisant 100 000 signatures en France. On fait pareil avec l'Europe, avec 1 million de signatures. C'est énorme, 1 million de signatures. Donc en France, on en veut quoi, 300 000 Oui. 300 000. On en veut 300 000. 1, 2. Donc, c'est hyper intéressant. Ça a été lancé fin avril. L'idée, c'est que... On organise une sorte de sécurité sociale de l'avortement. On oblige l'Europe à financer toutes les personnes qui veulent avorter, même si elles ont besoin de sortir de leur pays, on paye tout. L'idée, c'est ça. Il y a un gros focus sur les personnes marginalisées, minorisées. Donc c'est pour ça que nous, on est dans ce collectif. C'est parce qu'on a un gros focus sur les femmes handicapées qui ne sont même pas vues comme des femmes, en fait. Donc ils ne sont même pas vues comme ayant une sexualité, donc ils ne sont même pas vues comme ayant accès à des soins gynéco. Donc, de notre côté, il y a ce chantier-là, mais il y a aussi plein de chantiers sur les personnes trans, les personnes racisées, les personnes précaires. Et donc là, nous, ce qui est très important pour nous, c'est que vous signiez ce truc et que vous fassiez signer autour de vous. Parce qu'on avance bien quand même, on a genre 30 000 signatures, je crois. Pas loin de 30 000 signatures en France. Et l'objectif, c'est quand même de cravacher, parce qu'on a... Je ne vais pas vous dire combien de temps on a. Voilà, on a un mois, on va vous dire un mois. Monsieur, vas-y. Et aussi, le but, c'est d'instaurer un rapport de force avant les élections européennes contre l'extrême droite. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un objet pour nous rassembler. Nous, on est en train de faire du lien avec tous les collectifs antiféministes d'Europe avec lesquels, après, on se muscle autour de l'IVG. L'IVG, ça clive, extrême droite, les autres. Donc, c'est un objet. Et d'ailleurs, quand c'était présenté la dernière fois, Mathilde Viau, qui a écrit L'homme politique, j'en fais du compost, excellent, excellent. Mathilde Viau, elle disait, bon, il n'y a que des lesbiennes dans cette initiative au départ. C'est piloté aussi par Alice Coffin. Et elle a dit, vous demandez pourquoi les lesbiennes s'emmerdent avec l'IVG. Et elle a dit, parce qu'en fait, on s'organise autour de la lutte, on s'organise contre l'extrême droite. Donc c'est vraiment, notre objectif, c'est de pousser les candidats à se bouger. C'est très important. Merci beaucoup pour votre attention. Désolée d'avoir squatté le micro. Très bien, merci beaucoup pour ça. Bah, la suite, c'était un peu d'enchaîner sur le sujet du sport, du coup, et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et de revenir sur cette fameuse anecdote racontée par Lou, de cette deuxième journée d'itinérance, pour nous, qui a été assez OK, direct dans le sujet, quoi, avec voilà, le sécuritaire avec vernis festif. Et bah, je ne vais pas la re-raconter, mais je peux raconter le tout dernier bout, qui était que quand on est sorti, en fait, quand il y a Macron qui a débarqué, on s'est dit, bon, peut-être que les dévalideuses ne vont pas faire leur action tout de suite, donc on va ressortir. Et à quelques encablures de là, des flics en civil viennent nous choper en disant, c'est vous les invalideuses? Du coup, on retient un petit fou rire. Non, mais c'est quoi les invalideuses en fait? C'est un gros anarchiste. Du coup, on a bien rigolé, mais pas très longtemps, puisque ensuite. On est bien, on est même pas là. Non, mais voilà, donc on a rigolé un peu jaune, et puis ensuite, quand on s'est répartis pour un peu se barrer, il y en a trois qui se sont chopés un bon contrôle d'identité, bien carabiné, bien des nerfs pendant un bon moment. Donc voilà, on était bien dans le vin. Mais votre action a bien eu lieu après tout ça. Et donc, est-ce que vous voulez nous raconter un peu, bah, quand même, la genèse un peu de cette action-là et de celle des invalides, et puis bah, les revendications derrière, quoi. Si tu veux, je fais une action. J'ai oublié avec. Et donc, c'est bon. Ouais. Il faut être bien prêt. Oui. Donc cette action, en fait, on a eu l'idée lors du Crime Café qu'on a organisé en septembre au Café Mona. Alors rapidement, est-ce que vous voyez ce que c'est le concept de CRIP? Ça vous dit quelque chose? Ouais, bah, pour celles qui ne voient pas ce que c'est, ça vient du mot anglais cripple qui veut dire tordu, estropié, boiteux. Et donc comme le mot queer, c'est un retournement du stigmate, ça sous-entend qu'il y a une fierté CRIP, une fierté anti, voilà, voilà. Et bref, à l'occasion de ce CRIP Café, il y a notamment Cécile Chartrain des Dégommeuses qui est venue, on a échangé et a se demandé en fait comment inclure les personnes handies au sein des Dégommeuses. Et là, on a eu l'idée de faire cette action. Une personne nous a indiqué qu'il y avait effectivement un grand événement qui allait s'organiser le 7 octobre et qu'après, ça allait être très compliqué de pouvoir organiser des actions, enfin, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et donc, on s'est dit, bah, allez, on y va. Et le but, en fait, c'était de dénoncer toute cette communication, changer le regard autour du handicap. Nous, ce qui nous déplaît, en fait, c'est vraiment toute cette image d'héroïsation, en fait, des personnes handicapées. Parce que dans les imaginaires, en fait, la personne handicapée, soit elle inspire la pitié, la crainte, le dégoût, ou alors c'est une super-héros et une super-héroïne. Et en fait, tout cet imaginaire-là, en fait, ça sous-entend en fait que pour être acceptée, une personne, on dit, elle doit être une championne paralympique. Et nous, enfin voilà, en tant que militante anti-validiste, ça nous met hors de nous. Et en fait, nous, on ne veut pas changer le regard, on veut des droits effectifs. Donc, pour en revenir à l'action, on s'est organisé très rapidement, une semaine, et c'était chouette parce que c'est un vrai bonheur de travailler avec les dégommeuses. On en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que le monde militant est pour l'instant malheureusement validiste. Et c'est vrai qu'avec les dégommeuses, on se sent bien accueillis. On n'a jamais vu ça. Je crois que cette fameuse banderole de 10 mètres, il me semble, c'était le record des dégommeuses. La France médaille d'or du validisme. Ah oui, rapidement. Nous, peut-être que tout le monde ne connaît pas les dégommeuses. Donc c'est une équipe de foot composée de personnes lesbiennes et trans. Et c'est une équipe aussi très militante. En semaine, elles font du foot et en week-end, elles sont en manif et organisent des actions militantes. Oui, elles sont posées en allié. Ce qui était intéressant, c'est qu'elles se sont placées en alliées, c'est-à-dire qu'elles ont trouvé un moyen. On n'était pas à égal, on avait nous, les valideuses, on avait nous, une tribune en fait. Elles étaient en soutien et ça, c'était quand même très impressionnant parce que. Elles nous ont prêté leur cuillère, on parle de cuillère d'énergie, quoi. Quand on compte l'énergie qu'on a, nous on a peu d'énergie. Et elles ont dit, on peut vous filer de l'énergie, du temps, de l'espace, du matériel. Elles ont organisé la mise en place de la banderole de 10 mètres qu'on ne se serait jamais lancé à faire un truc pareil toute seule. En plus, c'est les dévalideuses, on est partout en France. Donc à Paris, on est une petite équipe et tout tombe toujours sur nous. On aime bien, mais n'empêche, c'était énorme. Et ça, c'était incroyable, cette position qu'elles ont su prendre, d'être en soutien, en relais, et en disant, c'est une position d'alliés, de meufs valides, qui se sont dit, comment est-ce qu'on... Enfin, a priori valides, qui disent comment on aide les valideuses à faire un truc. Ouais, c'était chouette. Et que dire ? C'est vrai que c'est une action qui a duré peu de temps. On a attendu quand même 2 heures. Je sais plus. Ouais, mais à cause de Macron. En fait, on savait pas que Macron allait venir. Et là, on s'est dit, oh là là là là. compliqué. Et on a pu s'infiltrer quand même assez facilement dans le village paralympique. On a bénéficié des effets positifs du validisme, c'est-à-dire qu'on avait caché nos pancartes sous nos fauteuils roulants. Ils n'ont pas pensé, en fait, les agents de sécurité, qu'on pouvait camoufler nos pancartes sous nos fesses. On a déployé assez rapidement la banderole. Il y a des personnes qui sont venues nous encourager. Il y avait quand même quelques personnes incrédules qui se demandaient, mais qu'est-ce que c'est ces personnes-là? On est resté une demi-heure à peu près sur le site avant de se faire éjecter par les agents de sécurité un peu en colère parce qu'on avait déjoué leur vigilance. Voilà. C'est une action qui nous a apporté beaucoup de joie. Il y a eu pas mal les médias en fait ont de retombées médiatiques, mais pas autant que l'action des invalides. Je te laisse embrayer, Marie-Anne. Donc le 17 septembre dernier, on avait décidé de mettre en place une très grosse action qui nous a pris plusieurs mois à préparer. Et c'était vraiment face au fait que le réseau de métro parisien est complètement inaccessible. Il y a 97% du métro qui n'est pas accessible. Les 3%, ça veut dire quoi? Je crois que c'est sur la ligne 14. Ouais. Il y a un ascenseur et je crois que vous ne pouvez même pas remonter. Enfin, c'est absolument ridicule. Et souvent, en fait, l'argument qui nous est opposé, c'est le métro parisien est extrêmement vétuste. Alors qu'on voit bien que dans d'autres villes, à Londres par exemple, qui est quasiment aussi vétuste que celui de Paris, c'est quelque chose qui est mis en œuvre. On a décidé de faire ça aussi parce qu'à l'approche des JO, si je me souviens bien, il y avait aussi pas mal de promesses au niveau du gouvernement pour rendre accessible notamment aux athlètes paralympiques le métro parisien. Et donc on s'est dit, voilà, on va faire quelque chose de symbolique, on va se rendre à la station de métro Invalide et on va la bloquer. Voilà, donc on s'est rendu sur place, il y avait une équipe qui était en haut, c'était des fauteuils qui étaient en haut, on faisait une ligne, on avait des banderoles et on était aussi quelques-uns en bas pour essayer d'interpeller les passants avec des tracts et des choses comme ça. Je ne sais pas si vous avez des trucs à rajouter. Enfin, ça a bien marché aussi. Médiatiquement, ça a bien marché quand même. Oui, ça a été assez relayé par pas mal de médias. Je crois qu'il y avait France 3, Île-de-France, il y avait... France 2 Matin. Il y a des mamans qui nous ont écrit. Il y a des mamans qui nous ont écrit aux personnes qui participent en disant « T'es la télé !» C'était vraiment cool, ça. Pardon, mais... Donc voilà, c'est une action qui a eu pas mal de retentissement. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre encore ? Oui, il y avait en fait aussi un peu notre idée, c'était un peu de dire, voilà, en fait, vous êtes tous pleins pendant le confinement parce que vous ne pouviez pas sortir et tout ça, mais en fait, nous, quand on est en fauteuil, en déambulateur ou autre, on est confinés toute l'année, en fait, voilà. Et on nous oppose souvent aussi comme... comme réponse, ah bah vous avez qu'à prendre le bus, bah je vous mets au défi d'essayer en fait, aux heures de pointe, fauteuil tu rentres pas, voilà. Et quand t'es pas en fauteuil mais que t'as une carte PMR, vous exposez à d'autres désagréments que je pourrais peut-être développer un peu plus tard, mais voilà. Puis il faut savoir, concernant les bus en fait, plus on s'éloigne de Paris, moins les rampes fonctionnent. On fait une petite pause musicale, vous êtes toujours sur FPP, c'est la jungle des luttes, un hommage à Lucien, ce grand Lucien, et ben voilà, c'est pour toi celle-là. Souligner aussi que cette séparation entre les Jeux Olympiques et Paralympiques, qui ne soient pas au même moment, c'est un peu le symbolique de ce qui se passe dans le reste de la société le reste de l'année, c'est-à-dire des personnes handicapées qui sont séparées de la société, qui sont placées dans des institutions, et donc une des grandes demandes du mouvement anti-validiste, des mouvements, c'est cette revendication de désinstitutionnalisation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on peut en venir un peu là-dessus ? Alors, désinstitutionnalisation, en fait, c'est l'idée que les personnes handicapées, quand elles sont jugées trop dépendantes, on va les placer dans des institutions, des IME, des MAS, qui sont en fait des lieux de vie médicalisés, dans lesquels en fait y a clairement une réduction de leur liberté. Et ces institutions ont été condamnées à de multiples reprises et dénoncées par la Défense des droits. Je crois que le plus récemment, c'était en 2019, je crois, et peut-être en 2021 à nouveau, si je ne me trompe pas. Et en fait, on a demandé très clairement, l'ONU a demandé très clairement à la France de fermer ces institutions. Mais en fait, la France n'entend pas cette demande, alors que dans d'autres pays comme la Suède, par exemple, c'est une chose qui a été faite. Donc il y a vraiment, en fait, on a aussi beaucoup de mal à penser le handicap de manière structurelle. En fait, souvent, on en fait un drame personnel, quelque chose qui est la faute à pas de chance et contre lequel personne ne peut rien faire. Mais c'est aussi un problème structurel, en fait, et qu'il faut absolument politiser. Et voilà, et c'est la raison pour laquelle on souhaite fermer ces institutions, parce que c'est vraiment des lieux de privation de liberté énorme. Oui, si tu voulais revenir aussi peut-être sur la question de l'aménagement, je me rappelle qu'on avait discuté un peu du fait que nous, on a séparé cette partie, la corps hors-jeu, éteindre la flamme avec le truc, aménagement, expulsion, donc plutôt dans la deuxième partie, mais en fait tout est dans tout et tout est lié, et quand on en avait parlé, Mathilde, tu me racontais un peu que les personnes expulsées, c'est aussi potentiellement des personnes handicapées. Enfin, tous ces liens. Et oui, c'est ça. Parce que notre première entrée pour critiquer les JO, enfin, toujours un plaisir de chercher comment critiquer les JO, mais notre première entrée, c'était quand même vraiment la communication, comme tu disais, Lydie. L'analyse de la communication, elle réactive des stéréotypes validistes contre lesquels qu'on essaye de déconstruire. Déjà, ça essentialise les personnes handicapées, parce qu'on ne dit pas que personne est une athlète de, je sais pas quoi, d'athlétisme, une athlète d'athlétisme. On dit que cette personne est une personne handicapée qui s'avère faire du sport. Mais en fait, la définition de handicapée est prédominante. C'est ça, essentialiser, c'est on en fait l'unique caractéristique de son expérience. Et on la définit premièrement par ça. Voilà, c'est ça. Donc, typiquement, j'étais contente de découvrir que para, ça veut dire à côté d'eux, donc ça, c'est vraiment cette notion de entre personnes handicapées. Alors que, pour vous dire des éléments de déconstruction, il y a énormément d'expériences dans les JO, d'expériences de vie, qui prouvent que ces catégorisations bug à plein tube. Il y a des gens qui sont des athlètes, comme... J'essaie d'apprendre les noms des athlètes, j'aime pas le sport, je fais des efforts parce que c'est des parasportifs et que j'ai envie de progresser. Donc, Nantenin Keita, la fille de Salif Keita, ça je me rappelle, c'est une athlète, bon, mais elle concourt des fois avec les valides et des fois avec les handis. Et ça fait péter des câbles à tout le monde. Par exemple, elle raconte dans un témoignage qu'il y a le coach, elle a gagné une fois, et le coach de la deuxième qui était une valide, elle a incendié à la meuf en disant, ben alors tu te fais battre par une handicapée, quoi. Et ça devait, je sais pas quelle théorie coach est derrière. En tout cas, ça vous dit que le trope qui est répété, c'est l'essentialisation, et alors que dans la réalité, on n'a que des expériences qui font sauter ça. Quand on continue sur les questions de communication, on arrive sur cette promesse des JO accessibles et universelles et populaires. Et alors que, ce que j'ai entendu qui allait dans ce sens-là, c'était par exemple le président du département Seine-Saint-Denis qui disait « Mais le village des Jeux Olympiques a été construit de manière intégralement accessible PMR. Donc ça deviendra un quartier. Il y a 6000 personnes qui pourront loger dans ce bâtiment aux normes PMR. Donc c'est bien la preuve qu'on progresse. » Nous, on va vous donner un peu de contexte. En 2005, il y a une loi qui s'appelle la loi pour l'égalité des chances et on arrête de persécuter les personnes handicapées. Qui disait il faut 100% de construction accessible, il faut que tous les établissements accueillants du public le soient. Et depuis, on est les grands champions de produire des dérogations. Voilà. Et la loi Elan a dit bon, ben, en fait, on va baisser 100%, c'est énorme, on va faire 20%. Donc ça, c'est le contexte. Et c'est un premier contexte. Et le second contexte, c'est la notion d'accessibilité. Et parfois, une sorte de faux récit autour de bon, ben, si c'est construit au PMR, c'est bon, c'est accessible. Alors qu'en fait, qui va habiter ces logements-là? La question de la précarité, elle est tout le temps oubliée dans la notion d'accessibilité, mais pourtant c'est totalement essentiel d'être pris en compte. Et quand on voit en soi que ce sont des jeux qui excluent les personnes marginalisées ou précaires, c'est des jeux validistes aussi pour ça. parce que les personnes handicapées sont majoritairement beaucoup plus pauvres que la moyenne en France. Et donc on se retrouve comme ça à se dire, bon, bah, y a des larges couloirs et des larges portes, donc c'est bon, tout est parfait. Enfin, en tout cas, le président du département dit ça. Et voilà, nous, on peut interroger comme ça ces récits qu'on va entendre qui disent c'est accessible. Pareil pour l'accessibilité de logement, il y a cette question de dire de déplacement, il y a cette question, il va y avoir des choses mises en place pendant les JO, des taxis, des trucs qui ne vont pas du tout être maintenus. Et donc les promesses, ça, on passe de 9 stations sur 300, je ne sais pas combien, à 24 stations sur 300, je ne sais pas combien, qui deviennent PMA accessibles. Et le dernier élément qui m'a un peu sonné quand j'ai fait les enquêtes, c'est que j'ai découvert le collectif Le Revers de la Médaille qui documente les effets sociaux négatifs des JO. Et en fait, dans l'interview, il raconte bien, devant, il y a plein de collectifs, Médecins sans frontières. J'ai lu plusieurs éléments de presse dans lesquels, déjà, on racontait que le CIO, c'est ça ? CIO, COI ? CIO, merci. Je vous dis, j'aime pas le sport. Le CIO n'a aucune visée en fait de transformer les territoires. Alors que les politiques publiques disent tout le temps, en fait, les JO, c'est une occasion de transformer le territoire, de permettre à la Seine-Saint-Denis de rattraper son retard en termes d'infrastructures, blablabla. Et le CIO n'a aucun intérêt à faire ça. Donc il n'y a pas du tout de vocation de transformation sociale. Et au contraire, l'avènement des JO autorise ce que vous disiez, comment on l'appelle, le nettoyage. Nettoyage social. Et donc j'ai découvert, mais vous savez peut-être, que le maire d'Orléans a dit qu'il reçoit des bus de SDF parisiens, qu'on lui livre des SDF parisiens en bus assez régulièrement. Et après, il y a le Stras et Acceptes et Act Up qui ont dit que les personnes travailleuses du sexe étaient complètement harcelées par la police en roue libre complet. Et ça aussi, c'est une question validiste, parce que, comme on vous le disait, les personnes handy étant précaires et aussi étant super exclues de l'emploi, il y a plein de personnes soit qui sont précaires qui deviennent handy, soit qui sont handy et qui deviennent précaires et ou travailleuses du sexe. Enfin, tout ça, c'est les mêmes collectifs, c'est les mêmes problèmes, c'est les mêmes mécaniques. Voilà, j'ai trouvé de nouvelles raisons pour aller sur les JO, à part la com qui me fait péter un câble. Merci beaucoup, Mathilde, d'avoir donné un peu des détails. Et on voulait enchaîner sur cette question des catégorisations paralympiques, parce que dans le paralympique, il y a plein de catégories, en fait. Il y a des épreuves qu'on dit de testing, avec donc les athlètes qui vont être testés, qui vont passer des épreuves avec un classificateur, ça s'appelle vraiment comme ça, voilà, pour savoir dans quelle catégorie de compétition ils vont pouvoir participer. Et avec des situations un peu aberrantes parfois, parce qu'il y a une multiplication de ces catégories, où il y a des personnes qui vont, du jour au lendemain, se retrouver disqualifiées ou ne plus correspondre aux cases et donc ne plus pouvoir participer aux compétitions. Je voulais vous lire une toute petite intro d'un article qui a un peu travaillé ces questions-là, qui s'appelle « Classer les corps, comment l'olympisme et le paralympisme catégorisent les athlètes ». Et dans cet article, il y a deux choses, un entretien avec un sociologue qui nous raconte un petit peu l'histoire de l'handisport, ces histoires de catégorisation paralympique, qu'est-ce que ça dit, et également tout ce qui est la question des tests de féminité, qui historiquement étaient utilisés sur les femmes cis, et maintenant qui sont vachement utilisés pour les personnes intersexes et les femmes trans, et donc un petit peu les exclus de l'olympisme, qui sont-elles aujourd'hui, et je vais vous lire ce petit passage. Le sport, dans sa version moderne, s'est développé au XIXe siècle sur les bases d'une contradiction fondamentale. Prétendre à l'universalité tout en excluant la majorité des êtres humains. Femmes, homosexuels, personnes trans, intersexes, handi, les exclus de l'olympisme se sont mobilisés tout au long du XXe siècle pour accéder au sport et, ce faisant, en subvertir les normes. Aujourd'hui, les tests de féminité aux catégorisations paralympiques, les corps sportifs continuent d'être passés au crible et sélectionnés pour maintenir l'illusion d'une compétition dite non faussée où l'homme blanc, cis et valide reste le référentiel. C'est compté sans la détermination de celles qui refusent de se laisser discipliner. Et du coup, pour vous les dévalideuses, on voulait vous demander un peu c'est quoi votre rapport, qu'est-ce que vous pensez de ces catégorisations paralympiques ? Est-ce que ça résonne peut-être avec des expériences personnelles à vous dans le sport ? Voilà, un peu parler de votre rapport au sport, chacune. Pour avoir fait la natation en compétition d'e-sport, oui, j'ai... en fait, en soi, la catégorisation, enfin les catégories, en fait, ce sont à la base des mesures d'équité, en fait, parce qu'évidemment, on ne va pas faire concourir une personne avec, je sais pas moi, deux doigts en moins contre une personne paraplégique, ça n'a pas de sens. Et comme, enfin, par exemple, alors j'ai fait de la natation, et en natation, on a 13 catégories. S1, on appelle ça, c'est la classe. Les personnes qui appartiennent à cette catégorie sont les personnes les plus handicapées. Et S13, c'est les personnes déficientes auditives ou visuelles. Oh là, j'ai un trou. Et bref. Mais en fait, ce qui pose problème, c'est que ces catégories sont très figées. Et quand on a une pathologie, un handicap qui sort des cases, et ben là, c'est la galère. Soit on n'est pas reconnu comme personne handicapée et on ne peut pas concourir, c'est le cas de certains athlètes, voilà. Et ou alors on est soit dans une catégorie qui est... on n'a aucune chance en fait d'atteindre un niveau de faire des perfs, ce qui était mon cas. Par exemple, moi, en natation, donc par exemple, la catégorie S6, c'est pour les personnes... paraplégique. Après, c'est en fonction du nombre de membres qu'on peut avoir en moins. Par exemple, un demi-bras ou une demi-jambe en moins, c'est S9. Une jambe en moins ou une jambe en... Enfin, une jambe en moins et un bras en moins, c'est S8. Et moi, par exemple, j'ai la maladie des ovaires, donc j'ai les jambes qui bougent, enfin bref. Et en fait, j'étais surclassée. J'étais avec des personnes qui faisaient 1m70 et qui avaient juste... une demi-jambe ou un demi-bras en moins, alors que moi je suis 1m35. Donc en termes d'amplitude, en fait, c'était pas, on partait pas en fait à la même, au même départ en fait. Et en fait, il se trouve que je faisais 3 cm de trop pour être dans la catégorie des personnes de petite taille. Donc vous voyez, en fait, ça selon le type de handicap qu'on a, en fait, c'est joué d'avance et c'est fichu en fait. Après, le handicap, c'est pas que le sport, c'est pas non plus que de la performance. Le handisport, ça peut, c'est évidemment un lieu d'émancipation. Par exemple, pour ma part, j'ai fait donc, de la compète pendant 10 ans et c'était le seul endroit où il y avait des corps hors normes comme les miens. Ce sont des vrais espaces communautaires. En ça, c'est chouette. On ne peut pas cracher non plus totalement sur le mouvement même. Paralympique. Enfin, d'ailleurs, il y a un super docu auquel vous pouvez accéder sur Netflix qui s'appelle Rising Phoenix. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et ça raconte toute cette histoire du mouvement paralympique. Et à la base, c'est une très belle histoire qui a été. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire sur les catégories. Ah, Marianne, tu avais quelque chose à dire? Oui, j'avais une petite anecdote. Alors, j'ai tenu à faire du sport en classe jusqu'au collège, jusqu'à la fin du collège. Ça pose d'autres questions, mais il y a quelque chose qui me dérangeait sans que j'arrive à mettre de mots jusqu'à assez tard. C'est qu'en fait, je faisais du sport comme tous les camarades de ma classe. Le prof adaptait souvent un petit peu les épreuves, etc. Mais j'avais toujours 10, en fait. Et un jour, je me suis dit, mais c'est super étrange. Pourquoi est-ce que j'ai toujours 10? Et je me rappelle très bien du jour où, en fait, on a fait endurance. Et donc, en tout cas, tel que c'était fait à ce moment-là, on devait prévoir ce qu'on allait courir, le nombre de temps qu'on allait mettre pour faire cette distance, etc. Et en fait, ce jour-là, j'ai eu 20. Et j'ai mis ces deux expériences en parallèle et je me suis dit, mais c'est super bizarre. En fait, j'ai 10 tout le temps parce qu'on me mesure à l'échelle des autres. Et en fait, ça n'a absolument pas de sens. Voilà. On a aussi un camarade qui se connaît bien en parasport. Si tu veux parler? Allez, on a un invité. Ouais. Accueillons notre guest. Elle m'avait prévenu qu'elle allait essayer de faire ça, donc je suis pas trop pris par surprise. Lydie, je sais pas si ce que je vais raconter c'est hyper complémentaire par rapport à ce que tu dis, mais moi j'appuierais vachement sur ce que tu dis sur à la fois c'est hyper émancipateur en fait d'être dans un lieu de non-mixité handi pour pratiquer le sport. Et je pense ça rejoint ce que vous décrivez dans la revue, que les Jeux Olympiques c'est horrible, mais que la pratique sportive en soi, il y a plein de cadres dans lesquels ça peut être hyper chouette. Et sur la question de la classification, c'est qu'en fait, tu te retrouves de nouveau dans ta vie, confrontée à des professionnels de santé qui vont mesurer ton écart à la norme. Ça rappelle quand même plein d'autres moments dans ta vie en tant que personne handicapée qui sont pas forcément les plus fun. Et voilà, ça pose quand même toute cette question-là. Et puis, qui c'est qui décide à la fin? C'est quand même des médecins valides qui décident qui a le droit de jouer dans quelle catégorie. Donc, de ce côté-là, point de vue émancipation et non-mixité et autodétermination, il y a quand même pas mal de taf encore à faire. Et pareil, il y a aussi cette question de... mais pour moi, je le rajoute. Enfin, j'aime beaucoup ce que vous avez lu sur les rapports en fait, entre les tests de féminité et la place des personnes trans, la place des femmes dans le sport de manière générale et la place des personnes handicapées, parce que c'est vraiment la même. C'est-à-dire que les femmes, historiquement, ok, elles pouvaient faire du sport, mais il fallait pas qu'elles soient trop musclées quand même. Il fallait quand même qu'elles restent jolies et qu'elles restent fertiles et tout. Et en fait, pour le handicap, on a un peu la même chose. On a certains types de handicap, ça va bien pour certains types de sport. Certains types de handicap, ça va bien pour d'autres types de sport. Mais il faudrait pas non plus, trop renverser la table. Voilà, après, sur la question de la catégorisation, en plus, c'est vraiment un enjeu. Même Mathilde, tu parlais de la question de médias. En fait, en tant que personne valide ou pas d'ailleurs, qui regarde des Jeux paralympiques, t'as aucun moyen de comprendre ce qui se passe au niveau de la classification. Parce que tu regardes une compétition, on te dit « Oui, alors maintenant, c'est le 100 mètres féminin, T34 !» Et tu vois des gens en fauteuil. Et après, on te dit « Maintenant, c'est le T35 !» Et c'est des debout, et tu sais pas ce qui se passe. Et après, il y a des malvoyants, et des fois, ils ont un guide, des fois, ils ont pas de guide, et tu comprends rien. Et il n'y a aucune communication, ni même pédagogie qui n'est faite de ce côté-là. C'est bon, bah voilà, il y a des catégories pour que ce soit équitable, mais en tant que public, t'es même pas pris par la main, en fait, pour comprendre quels sont les enjeux de cette course, qui sont les personnes qui participent à cette compétition, et pourquoi, entre guillemets, est-ce que c'est équitable ou pas, du coup, de faire courir ensemble une personne qui a deux jambes, une personne qui a une jambe, une personne qui a zéro jambe. Voilà, il n'y a aucun... Même en tant que public, si tu as envie de s'y intéresser, en fait, c'est hyper compliqué, parce que c'est vraiment une nébuleuse, et qu'il n'y a aucun accompagnement, en fait, du public. Donc, il y a peut-être ce côté médiatique aussi, de dire... Ouais, les Jeux paralympiques, c'est une fois tous les 4 ans, trop bien, on va voir tout ce qui se passe. Mais en fait, si t'expliques pas aux gens l'enjeu, bah, ils vont pas le regarder, et c'est normal, en fait. Merci. Merci beaucoup pour ça, super. On applaudit notre guest. Merci beaucoup. Ouais, dans ce que vous dites, on sent vraiment aussi cette volonté de vraiment garder cet idéal de... un peu cette illusion de compétition non faussée et de ce mythe un peu de la fiction méritocratique, en fait, c'est possible de mettre tout le monde à égalité à un moment, alors qu'en fait on sait très bien qu'il y a beaucoup de choses qui font que c'est pas le cas, entre autres la classe et le fait que l'accès aux infrastructures sportives n'est pas la même pour tout le monde, évidemment. Et un petit mot aussi avant de passer à la question suivante, c'était les personnes handicapées avec des incapacités intellectuelles, qui quand même, historiquement, elle aussi, c'est un peu une catégorie, enfin voilà, une catégorie des paralympiques qui est un peu à part, puisque, je lis un peu mes notes, mais elles ont dû attendre quand même 1992 pour participer aux Jeux de Barcelone, puis à cause d'une affaire de tricherie, ça c'est assez intéressant ce qui s'est passé, c'est des personnes valides qui se sont fait passer pour Andy. À Sydney, en 2000, elles ont à nouveau été exclues des Jeux paralympiques jusqu'en 2012. Et donc aux Jeux de Paris, seules 3 compétitions sont ouvertes aux personnes avec des incapacités intellectuelles. Donc voilà, bon, on voulait dire un mot parce que souvent on n'en parle pas trop. Et pour ce qui est de Mathilde et de ton rapport au sport, et ben, il y a la BD, on vous rappelle, ah, voilà. dans la première partie. Je me plains dans la revue, achetez la revue. Non, mais juste, j'espère que c'est clair à quel point il y a des alliances. Parce qu'en fait, dans tous les cas, les gens qui essayent de faire des cases valides, Andy, mais dans le genre, c'est pareil, pour les personnes trans, elles ont exactement les mêmes problèmes que nous, même pour les questions d'orientation sexuelle, et en fait, les mécaniques sont toujours les mêmes, et là, quand tu dis la tricherie, eh ben c'est échec et mat, parce que c'est toujours l'argument qui est avancé. J'écoutais encore le témoignage d'une sportive trans qui disait, ben voilà, j'étais forcée de faire mon coming out trans, parce qu'il y a la fée de rugby qui a dit que je mettais caramel à tout le monde, je jure, pas comme ça, et je viens du sud, donc... C'est de l'amour, d'accord. Et donc elle disait, j'ai été accusée d'être trop forte parce que avant je jouais avec des mecs et du coup elle a dû faire son coming out et elle dit, mais non, c'est moi qui prends les caramels. Et donc, les caramels, c'est des gros coups. Alors, tu me dis, il y en a un qui se fait mauvais. Bon, en tout cas, c'est pour dire qu'on a vraiment des alliances à faire parce que d'avoir des corps qui démontrent la continuité de nos expériences de vie, ça permet de faire un échec et mat à ces systèmes de cases. Donc, faisons des alliances, Andy. Trans, tout ce que vous voulez en fait. Toutes les alliances de Yann Amar des Cases. trop bien. Et ça fait une belle... Et ça fait une belle transition avec une de nos dernières questions, qui est un des aspects importants de vos activités dans le collectif, vous l'avez dit un peu au début, c'est aussi un peu de pousser à ce qu'on dévalide nos luttes. Donc est-ce que vous pouvez un peu nous parler du validisme dans le milieu militant et surtout de qu'est-ce que nos luttes anticapitalistes, queer, féministes, écolo ont à apprendre des luttes antivalidistes? Bah, oui, malheureusement, quand c'est, les personnes en disson ne sont pas très bien accueillies pour l'instant dans les sphères militantes. Ici, par exemple, vous voyez, c'est un lieu pas top, qui peut être hostile. Déjà, quand je suis arrivée, c'était sombre. Alors, pour les personnes déficientes visuelles, c'est compliqué. Et pareil, à l'extérieur, en fait, on ne peut pas aller dehors avec vous prendre un verre. Vous voyez ? C'est souvent les lieux de militants, souvent ce sont des lieux un peu alternatifs, les squats, ce genre de choses. Moi je me sens terriblement mal dans ces lieux-là, je ne me sens pas accueillie, je me sens en danger même. Et comme on ne se rencontre pas, en tant que, par exemple en tant que lesbienne Andy, la commu lesbienne, pour l'instant, et très validiste, c'est une de nos activités favorites. C'est de, pour là, actuellement, c'est de dévalider les queeros. Mais il y a beaucoup de lieux culturels, de lieux festifs qui sont inaccessibles. Et souvent, en fait, on se prend plein de violences validistes parce qu'on est les premières personnes que les personnes rencontrent. Donc, voilà, il y a des questions intrusives, déplacées, il y a des regards aussi, voilà, c'est très très violent et ça nous coûte en fait en termes d'énergie, rien que de dévalider en fait les sphères militantes alors qu'on devrait militer main dans la main. Et voilà, et peut-être tu veux continuer sur ce qu'on a apporté Non, c'est pour la fin. Je vois Marianne, vas-y. Ah ouais. Tu vas te prendre sur les couronnes. C'est le moment. Ils écoutent, tu peux faire ta to-do list, tu dis alors d'abord commencer par faire. On fait une petite pause musicale, vous êtes toujours sur FPP, c'est la jungle des luttes. Un hommage à Lucien, ce grand Lucien. Et ben voilà, c'est pour toi celle-là. Pour acheter notre fanzine. Il y a écrit 31 bonnes résolutions anti-validistes. Vous pouvez vous en faire une par jour, ça dure un mois. C'est super. Vous le faites après le yoga, d'accord? Avant le souci de choucal. Donc, ça c'est impeccable. On s'est fait chier, c'est beaucoup de travail. Vous leur achetez ça, d'accord? Dedans, vous allez avoir des trucs de base, mais en fait, si vous les aviez tous, les 31, on serait déjà super contentes. Il y a des trucs du genre, vous verrez pas sur le glace en 10. Mais il y a aussi des trucs comme... considérer les personnes handicapées dans le champ de la relation romantique et sexuelle. Parce que nous avons été brainwashés à ce que les corps handicapés ne soient pas sexy, pas désirables. Donc allez, on se dévalide, on se drague. Après, donc là vous avez une to-do list. Ensuite, si vous avez une asso, vous organisez un événement, même votre anniversaire, vous venez me voir, vous venez voir le stand, vous achetez ce guide qui s'appelle « Accessibiliser un événement pour le public porteur de handicap ». On écrit « porteur de handicap, nous ». Ouais. C'est pas nous, hein. Faut pas dire ça, hein. Vous dites pas porteur de handicap, en situation de handicap, en situation de blondeur, non. Ces euphémismes, ils sont gênants. Enfin, c'est gênant parce qu'en fait, notre problème, c'est pas... Nous, on sait que le handicap, c'est pas une insulte, en fait. Et quand on tourne autour du pot comme ça, c'est parce qu'on se dit encore que c'est une insulte. Et en plus, nous, on dit même les handis comme il y a des collectifs qui ont dit ouais, ben nous les PD on est comme ça parce que c'est les concernés, donc ils, eux ils se réapproprient les insultes, vous vous appropriez pas les insultes, mais par contre vous pouvez dire handicapé. Les personnes handicapées, ça va. La sportive qui s'avère être handicapée, mais qui est quand même une sportive, ça va. Donc ce guide est vraiment efficace parce qu'il vous fait autant le tuto de choses à penser que, la formation quand même à l'antivalidisme en vous disant à quel point vous n'avez pas idée de la diversité des problèmes qu'on peut vous poser. Et dedans, il y a plein de choses. Enfin, je me permets, parce que moi, je fais partie de la team des maladies chroniques et handicaps dits invisibles. C'est invisible parce qu'en fait, quand je suis là, je suis en forme. Et après, quand je suis en train de cracher à la maison pendant 8 heures pour récupérer, vous ne me voyez pas. Donc c'est invisible, mais les gens qui vivent avec moi, ici présents, ils le voient. Et donc, typiquement, moi, j'ai besoin de pouvoir m'asseoir, je ne tiens pas debout longtemps. Donc les bars, là où je vais faire la queue, je meurs, je décède. Les stands où il n'y a pas de siège devant, je décède. Et donc c'est des tas de choses comme ça qui sont difficiles à penser et que même entre nous, je vais vous rassurer tout de suite, vous pouvez décomplexer parce que le stress premier des gens c'est ah ben là j'ai peur de faire des bêtises donc je préfère ne pas m'y mettre. Ça non, allez-y, faites des bêtises, c'est pas grave, on viendra vous dire c'est cool, là tu pourrais ajuster ci, ça. Posez-nous des questions à la limite, mais bûchez le truc avant de poser des questions par contre. On a vu des gens qui disent vous pouvez faire l'accessibilité, le consulting gratuitement. Non, vous lisez le truc d'abord. Mais nous, entre nous, on se fait des trucs validistes, d'accord ? Au sein des valideuses, parce qu'on est toutes les valides des handicaps qu'on n'a pas. Donc on a toute une ignorance énorme des handicaps qu'on n'a pas. On a une copine qui est malvoyante, elle est tout le temps en train de nous dire que la police 14 pour les comptes rendus, sinon je vous pète un câble. Et nous, on court derrière, on est des valides, on est des voyantes. Donc ça vous détend. Et puis un autre slogan que vous pouvez retenir qui va vous aider à vous y mettre, c'est « Vos corps valides sont éphémères. » Tous et toutes. Alors moi j'aime bien replacer les cycles de manière un peu structurelle et tout. Mais pourquoi Mathilde disait que vos corps étaient éphémères, tout simplement, et c'est pas quelque chose auquel on pense la plupart du temps, c'est qu'en fait on est tous concernés. D'une part parce que en fait on va tous vieillir un jour et donc on va tous être confrontés à des maladies, du vieillissement et voilà on va perdre petit à petit nos capacités en fait. Donc voilà. Et puis même et puis, dans le métro, enfin, je sais pas, dans le métro de Paris, vous avez déjà eu une poussette, vous avez déjà eu des béquilles, vous avez déjà eu un sac de course, vous avez déjà déménagé un truc de Le Bon Coin dans le métro de Paris, enfin vous savez quoi. Ouais, quand t'es une valise avec un bon bordas, voilà. C'est tous, on a tous fait l'expérience. Et aussi, on est aussi tous concernés parce que, rappelons-le, on est dans une société capitaliste qui a tendance en fait à hiérarchiser, exploiter les corps d'individus. Donc on a énormément d'accidents du travail qui font que, en fait, les corps deviennent handis. Et en fait, il y a 85% des handicaps qui sont acquis au cours de la vie. Donc voilà, vos corps sont éphémères. Merci beaucoup. Ben voilà, vous avez une bonne to-do list. Si vous avez des questions, on est à votre disposition. Ah si, j'ai un dernier truc à vous dire. Qui a déjà lu ce livre ? C'est De chair et de fer de Charlotte Puzeux. Allez, bon, vous avez vos premiers rangs. Et qui d'autre a lu ce livre ? Bon, les autres, vous le lisez. D'accord ? Mon projet, c'est que sa maison d'édition l'appelle pour dire il y a quoi en fait ? On a reçu 200 commandes. Donc ça, c'est fondamental. On a très très peu d'écrits en français, écrits par des personnes en France. Pas traduits, je veux dire. Et Charlotte Puzeux, elle est née, je dirais, dans les années 80, donc elle a aussi vécu ce truc de dire qu'elle était un enfant du Téléthon, et après elle en est revenue, elle a essayé de lutter quand elle a compris le potentiel transgressif de l'antivalidisme qu'on essaie de vous démontrer. Elle est allée au NPA, et au NPA, ils l'ont fâchée, c'est boulé, elle raconte non, parce qu'ils n'ont pas compris que la base de l'antivalidisme, c'est d'arrêter de considérer le handicap dans un contexte médical, mais de le baser au modèle social. Donc en fait, on est beaucoup plus proche des luttes féministes et LGBT et anticapitalistes que des questions. Enfin, on a des questions de santé, on est d'accord qu'on a des questions de santé, ça nous emmerde, l'hôpital qui dégringole, on est d'accord. Mais collectivement, on a ce move à faire. Et donc là-bas, quand à un moment la commission handicap elle était trop peu nombreuse pour se maintenir, ils les ont associés non pas au collectif féministe, mais à la commission santé. Donc là, elle a dit « Ok, nique ça ». Elle est partie. Et après, il y a des valideuses qui sont apparues, et ça va mieux, elle le dit dedans. Donc vraiment, c'est excellent, c'est assez drôle en plus, et puis elle aborde 1000 sujets différents. Oui ? De chair et de fer, de Charlotte Puzeux. Et normalement, si vous allez sur nos réseaux sociaux des Valideuses ou sur le blog, vous pouvez quand même souvent retrouver Charlotte Puiseux citée, parce qu'on la cite. On est tellement peu nombreuses qu'on peut s'auto-citer dans nos articles en boucle. Et aussi, si vous êtes des personnes concernées à qui ça parle, ce qu'on vous raconte, arrivez. On recrute. Les mini-trucs que je voulais te demander, parce qu'on en avait pas mal parlé pendant notre entretien, toutes les quatre avec une autre personne de Z, c'était que vous nous avez parlé d'un concept qui était assez chouette, c'était le Crip Time. Et en fait, ça faisait un lien super chouette avec aussi bon, les luttes, bon, on les appelait écolo ou je sais pas quoi, mais en gros de dire, bah, peut-être que tu vas l'expliquer en fait, Mathilde, non, c'est pas toi qui me disais. Vas-y, franchement, il dit c'est bon. Ah oui, ah bah oui, en tout cas. Le Crip Time, comment ça répond en fait avec le. Bah, il faut ralentir. Et vraiment, même vous, personne valide, vous avez tout intérêt à vous inspirer en fait des personnes handicapées. Et rapidement, le Crip Time, en fait, c'est le rapport qu'ont les personnes handicapées au temps. Parce que nos énergies, comme je disais tout à l'heure, Mathilde, sont rares, fluctuantes. Et pour certaines personnes, c'est très, par exemple, difficile d'être à l'heure à un rendez-vous, ou alors c'est impossible. Et ça, tout à l'heure, j'ai oublié de le dire sur le monde militant qui est Valdis. Là, clairement, parfois, des actions militantes, il faut tout faire au dernier moment. Nous, en tant que personnes handicapées, c'est juste pas possible, on doit tout anticiper. Il y a certaines personnes qui, par exemple, ont besoin d'être accompagnées H24 par des auxiliaires de vie et elles ne peuvent pas se permettre de faire, d'être toujours dans l'imprévu, enfin, d'être dans l'imprévu, aucune anticipation. Là, par exemple, on peut en parler, je pense. Hein. Ce matin, donc, on fait partie de la campagne Ma Voix, Mon Choix et on organise un webinaire qui aura lieu le 26 mai prochain sur IVG, validisme, mais on va aborder aussi plus largement la question de la santé sexuelle, des droits reproductifs. Et bref, il y a eu un changement dans l'organisation hier soir. Hier soir. Et là, c'était en fait, l'orga composé de personnes valides ne comprenait pas le stress qu'on a eu. En fait, on se dit, oh là là, par exemple, on avait une de nos camarades, Laetitia, qui s'est engagée à enregistrer une vidéo demain. Ouais. Et là, en fait, elle se dit, bon, est-ce que j'enregistre ou pas demain? Et les personnes de l'orga ne comprenaient pas, en fait, pourquoi Laetitia avait besoin de savoir aujourd'hui si elle allait enregistrer sa vidéo demain. Parce que, en fait, c'est des questions que vous ne vous posez pas, en fait. Et c'est pour ça, nous, par exemple, notre action des invalides, on a mis 3 mois à la préparer. En fait, on ne peut pas faire... Enfin, là, si, on a eu l'action JOP, mais oui, on s'est cramé, en fait. On s'est... Ouais, on était morte pendant un mois après, enfin, vraiment. Et c'est ça, le cryptage, en fait. Enfin, oui, et puis même pour en revenir au métro, qui est inaccessible, etc., les bus, c'est la galère. En fait, il y a aussi tout un rapport au déplacement et à la mobilité. À Paris, on a un service qui s'appelle La PAM, qui c'est un acronyme qui veut dire pour l'aide à la mobilité, qui est financé. Je crois qu'anciennement c'était les régions et maintenant c'est le département. Non, c'est l'inverse. Voilà, ça a été régionalisé. Et en fait, on peut se dire bah, c'est génial. En fait, c'est des compagnies de taxi qui travaillent avec ces services-là. Qui font des trajets pour amener spécifiquement des personnes qui sont déclarées handicapées. Sauf qu'en fait, on ne peut pas, c'est pas comme un Uber ou je sais pas quoi, ou n'importe quel autre taxi, on ne peut pas faire ça en live en fait. On est obligé, à minima, de réserver 24 heures en avance. Donc évidemment, en fait, quand au dernier moment, on nous dit « Ah bah ouais, ce ne sera pas à 17h, mais à 18h », et bah c'est plié en fait. C'est hyper concret. Et peut-être je peux finir avec un lien avec les luttes écolo, parce que moi, je suis devenue handi, je processe encore, j'en fais des psychothérapeutiques. Et en devenant handi, j'ai été de fait un peu, je me suis auto-exclue, je me suis auto-éloignée des luttes écolo dans lesquelles j'étais avant, parce que ça demande une sacrée caisse d'être dans les luttes écolo. Il y a une espèce d'hypothèse de ta capacité physique qui consiste à bloquer les AG de Total pendant 16 heures d'affilée, à faire des entraînements pour quand les CRS ils vont te traîner par terre, faire le sac à patates. Nous, quand on a fait notre blocage, on a dit quand la police on la voit, on se tire. Bon, le problème, c'est qu'elle était là avant qu'on arrive, donc après on a dû parler à la police. Mais quand même, ce que je veux dire, c'est que nous, on avait déployé un niveau de sécurité qui était énorme par rapport à ce que j'avais pu voir avant. parce qu'on n'a pas les, on n'a pas les moyens en fait de faire une garde à vue. La mise en danger physique que ça peut représenter est énorme. Et en plus, il y a des personnes qui ont des auxiliaires, qui sont salariés, et je ne crois pas que dans le contrat, il y ait écrit « dimanche, soirée, garde à vue » avec le mouvement d'employeuse. Donc on a essayé d'éviter ça. Et donc ça, c'est vrai que ça m'a tellement travaillé, parce qu'en plus, je suis aussi devenue... Mes symptômes se sont vraiment aggravés dans un contexte professionnel où j'essayais de répondre des questions écologiques un peu partout, et même des questions de décroissance. Donc je me suis dit, c'est quand même un peu con d'avoir tellement forcé à faire la décroissance que toi-même, tu te craves. Et bon, j'en ai écrit une conférence gesticulée qui s'appelle « À nos corps décroissants » et qui déploie à quel point, en fait, la lutte écologique, toutes les luttes, mais la lutte écologique a tout à apprendre aussi en termes de renoncement et de muscler son renoncement collectif, parce que nous, on essaie, on n'est pas très fort, mais on essaie de renoncer ensemble et de prendre plein de temps, plein de temps collectif. Parce qu'en fait, le renoncement et le ralentissement, ça peut pas être une injonction personnelle. C'est hyper violent de dire à quelqu'un dans un univers ultra speed, mais pourquoi tu ralentis pas? Ça, c'est très grave. Et d'ailleurs, Camille Test a écrit le livre, Politiser le bien-être. Je parle de ça, je parle de cette violence individuelle. Mais collectivement, on peut muscler dans nos organisations le fait de prendre des temps pour dire on repriorise, on réinterroge notre finalité, on réinterroge les moyens qu'on alloue à la finalité et on réinterroge chaque personne tout le temps sur sa jauge d'énergie comme... Comme vous savez, les plongeurs, ils se checkent tout le temps. En mode, t'as combien avec leurs doigts, ils savent dire, j'ai 2-3 barres d'air. Donc, ben voilà, nous, on en est là. On dit, t'as combien de cuillères? Est-ce que tu veux que je prenne la charge? Et on est à la fois, on a besoin de beaucoup d'anticipation, et en même temps, on est quand même des professionnels de l'improvisation, parce qu'on est en permanence à court d'énergie ou avec des situations qui nous dépassent. Donc ça, je nous invite collectivement à muscler ces outils collectifs de renoncement. Sinon, vos corps vont vous faire renoncer sec comme le mien, et c'était pas très marrant. Enfin, au début, j'ai rien compris. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a potentiellement un petit temps de questions. Si vous voulez, avec la salle, un échange, s'il y a des personnes qui ont des questions, on va juste rappeler des petites choses basiques, hein, bienveillance, respect, pas de propos discriminatoires. Et puis aussi, si vous êtes quelqu'un qui est très habitué à prendre tout le temps la parole en premier quand il y a des questions, et bien plutôt aujourd'hui, vous attendez un petit moment et ensuite vous laissez parler les autres. Voilà. Donc, qui veut poser une question? C'est le moment. Et sinon, on en a une bonus. Bonjour, Chaz de Saccage. Extrêmement intéressant comme conférence. Sans mutuelle, vraiment j'ai adoré. Mais du coup, j'avais une question et un truc infirmé. Alors déjà sur dans nos milieux, moi-même je suis 10 et je vois à quel point le milieu fait tout pour ne pas accommoder. Donc le nombre de fois où quand on voit un texte que j'écris, on n'y passe qu'à dedans parce qu'on a vu 3 fautes, on a dit c'est fini, la personne n'a pas la capacité. Ah, enfin, voilà, c'est le genre de choses auxquelles on pense pas non plus, mais c'est pas parce qu'une personne a pas le français académique de l'orthographe approuvé par ces gens parfaitement qui sont pas dans le validisme de l'académie ou pas. Donc voilà. Et aussi, la question que je voulais poser, c'est est-ce que vous avez vu la communication des comptes des Jeux paralympiques par rapport aux Jeux olympiques? Parce qu'en fait, donc voilà, les Jeux olympiques, c'est des étoiles, des gens qui sont en bonne forme, et c'est ultra sérieux, ultra inspirant. Mais en fait, pour les Jeux paralympiques, je sais pas si vous avez vu, c'est que en fait des blagues. Donc c'est des vidéos gens qui tombent avec des musiques et tout. Regardez, on va se payer la poire des gens qui tombent aux Jeux paralympiques et c'est le compte officiel. Voilà. Merci beaucoup, Charles de Saccage. Et admiration pour le travail de Saccage. Quelqu'un d'autre? On va faire la question bonus, elle. Et la question bonus, c'était de redire que la revue Z, nous, on a quand même un héritage assez fort en termes de critique du capitalisme industriel, critique des technologies aussi. Et quand on pensait un petit peu les questions anti-validistes, on disait « Ouh, il y a un bon nœud, là. Comment on pense ça ensemble ?» Et du coup, on vous l'a demandé et vous avez répondu des choses intéressantes. Je me suis dit, bah, peut-être que vous pouvez redire un peu ce que vous nous avez raconté. Et... Non, ça va. Bon, ben, en très court, mais les écolos et les anti... Comment tu dis les anti-tech. Les synthèques, non, pardon, les antithèques. Le délire d'être autonome en se disant si je suis musclée, que j'ai assez de boîtes de conserve dans mon bunker et que je sais me soigner qu'avec des tisanes, alors c'est bon, la crise climatique peut arriver. Ça, c'est un délire hyper validiste. Et en fait, il y a plein d'endroits dans le côté ce qui est naturel est bon. Si on vivait avec moins de dépendance technique, chimique, on serait mieux. Dans l'absolu, c'est un peu simplifiant. Et nous autres, on est dépendantes, je peux parler un peu pour mon cas, hein, mais en tout cas, on a des dépendances chimiques. Et moi, j'ai des dépendances qui m'emmerdent, et ça m'emmerde d'aller chercher mes médicaments et de dépendre de labos que je couche. Ça m'ennuie beaucoup. Néanmoins, j'adorerais qu'on relocalise et qu'on fasse des coopératives de tramadol et d'autres opiacés et anti-épileptiques. Voilà, on relocalise. Mais pour le moment, j'ai pas trop vu. Donc, et pareil pour la technique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une telle... pour vous dire, le niveau de validisme de l'aide, de l'accès à l'aide, c'est que moi, la première fois, j'ai eu besoin d'une canne longtemps avant de l'utiliser. Et quand j'ai eu une canne... À part que mes réseaux sociaux ont commencé à me faire des pubs ciblées pour les seniors. La nouvelle croisière, non, c'était la cata ça. Mais à part ça, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des choses, c'est que moi j'ai déjà eu beaucoup de mal, parce que j'avais l'impression, en demandant d'une aide technique, d'admettre ma faiblesse, alors que ma faiblesse, elle y était en fait. Mon état, il y était tel qu'il était. Et avoir une aide technique, au contraire, ça m'a apporté quelque chose. Mais moi j'avais l'impression de passer un cap dans les échecs. Et surtout mes proches, il y a plein de gens qui ont jeûné, et je déteste qu'on gêne. Qui ont jeûné en me voyant avec une canne. Mon vieux avec la canne, je fais oh. Non, mais alors en fait, j'ai moins mal avec la canne. Le truc, c'est qu'il fallait faire oh quand j'ai mal et que tu le vois pas, tu vois. Et donc, ça, c'est très, très, très inscrit dans nos esprits. Et en fait, il y a beaucoup de nous entre nous pour nous dévalider. On essaie de se donner de la force en disant mais utilise des aides quand tu as besoin, avant d'être en galère, sollicite ce dont tu as besoin. Et aussi, nos aides, elles varient. Ça aussi, c'est un peu inconcevable, mais on vous le dit, des fois, il y a des gens qui sont en fauteuil et des fois, ils ne sont pas en fauteuil. Tenez bon. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y en a qui sont là, oh, t'es guéri. Et ça, c'est très... Cette complexité-là, on a besoin qu'elle soit prise en compte dans les espaces écolos et anti-tech. On est hyper anticapitaliste. On est d'accord pour être anticapitaliste avec vous. Mais par contre, nous, on ne peut pas dire, OK, à mort les labos et c'est fini. Sinon, nous aussi, on est fini. D'accord. Et on ne veut pas être fini. Vas-y. Oui, effectivement. C'est bien. Et oui, je voulais juste ajouter, c'est vrai que des fois les luttes écolo et les luttes anti-validistes peuvent avoir des points de friction. Par exemple, j'ai un de mes meilleurs amis qui en dit, il avait assisté à un atelier il y a quelques années à Rennes où il devait imaginer en fait le monde de la société d'après dans une logique collapso. Et en fait, c'est là, mais il n'y a pas d'ascenseur. Comment on fait? Ou même, d'ailleurs, je vous conseille la lecture de ce livre de Sunora Taylor, qui est une militante états-unienne anti-validiste et anti-spéciste. Ça s'appelle Brave Bête, animaux handicapés, même combat. Et dedans, en fait, elle parle, par exemple, beaucoup de personnes handicapées sont dépendantes de leur micro-ondes, des plats préparés. Et pareil, ce même ami qui avait participé à l'atelier là, sur, où il devait imaginer le monde d'après, lui, les légumes prédécoupés en sachet, ça lui facilite la vie, alors qu'en soi, c'est pas hyper écolo. Mais voilà, c'est vrai que des fois, le monde militant écolo n'est pas toujours si bienveillant. Et voilà. Oh, voilà. On a fini de tout compliquer. Ouais. C'est bon, merci. Il y a encore un tout petit peu de temps s'il y a des questions encore dans la salle. On va faire une petite blague. Au micro. Bon, alors, une petite blague. Je m'appelle Christine. Alors, je suis cité dans un des articles. Je suis la meuf du Cicent qui fait la boxe thaï. Je suis aussi la coach de l'équipe de volley d'AccepTest. Et en fait, moi je suis boxeuse en Muay Thai. Et en fait, à une époque, on me reprochait sur les réseaux sociaux, sur des interviews, de voir transitionner pour battre des meufs parce que voilà, c'était plus facile pour gagner. J'ai toujours battu que des meufs. Mais en plus, maintenant, j'en suis à mon quatrième handicap. J'ai la maladie de Parkinson depuis déjà 2 ans bien installée. Et ben, on va me reprocher quoi de battre des meufs cis valides cette fois-ci, je sais pas. Merci. Juste pour rebondir sur ce que quelqu'un a dit tout à l'heure par rapport à la fabrication des médicaments, en fait, il y a un collectif anarchiste aux États-Unis qui s'appelle Four Feet Vinegar, c'est-à-dire le vinaigre quatre voleurs. Et en fait, ils ont un site web où ils publient des tutos sur comment fabriquer des médicaments qui normalement sont extrêmement chers. Mais quand tu le fabriques toi-même, ça coûte beaucoup moins cher, genre bon, 30 euros pour un médicament qui coûte plus d'habitude. Génial. Merci. Merci. Du coup, ça s'appelle en anglais Four Feet Vinegar. Pour revenir sur la question des alliances qu'on a posées tout à l'heure, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un parallèle à faire depuis l'expérience trans, par exemple, de comment le mouvement écolo, ou un certain mouvement écolo et un certain mouvement anti-tech perçoit la question des transidentités, perçoit la question des corps médicalisés, avec, voilà, il y a des mouvements un peu qui sont pas clairs et qui sont assez dangereux en réalité, et du coup, de mener des alliances aussi contre un nouveau courant réactionnaire à cet endroit-là, je pense que c'est des choses qui sont vraiment très très très importantes. Et bien peut-être qu'on peut finir par vous demander comment vous rejoindre et comment vous soutenir. Et ensuite, ce sera le temps des conseils. Alors, tout le monde peut nous aider financièrement, même si vous êtes valide. Et un homme cis, vous pouvez adhérer juste pour nous soutenir financièrement. Après, si vous voulez militer avec nous, on applique une double mixité, non mixité ou mixité choisie, pour être dans l'équipe de Bordeaux et membre actif. Donc, vous faites à la fois handi et pas mixis. Quoi d'autre ? C'est sur notre site. Ouais, c'est sur notre site. Ouais, vous pouvez adhérer. Enfin, voilà, vous cliquez, vous rejoindre. À son métier. Peut-être pour les questions, enfin en tout cas, il y a une adresse mail que vous retrouverez sur les flyers qu'on va laisser sur la table de Z. Mais l'adresse mail, c'est pour les projets. Quand vous voulez nous proposer des projets, et les projets, il faut les détailler avec l'énergie que ça nous prend dans les conditions d'accessibilité de vos endroits. Là. Et si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer par mail, mais si vous voulez, sur les réseaux sociaux, on répond aussi. Si vous êtes sur Instagram, c'est moi. Et sur Facebook, il y a quelqu'un d'autre qui répond à vos questions, y compris si vous n'avez pas capté les références de livres, vous voulez me redemander le livre et le film, on vous les réécrira avec plaisir. En plus, on va dire que vous savez c'est qui derrière qui répond. Et vraiment, l'adhésion, c'est que en ligne, que sur le site internet lesdévalideuses.org. Et puis sinon, vous pouvez aussi nous suivre sur nos comptes Instagram respectifs. Ah oui, nos comptes Instagram respectifs, parce que c'est vrai qu'en tant que personne séparée du collectif, on a aussi chacune, on a nos militantismes individuels et nos projets. Donc Marianne, sur Instagram, ça s'appelle Les Chroniques de Marianne. Les Chroniques de Marianne. Plein de sociologie du handicap, wow. Trop bien. Moi, je fais de la bande dessinée, je me plains, et en BD, si vous avez aimé celle que vous lirez dans Z, vous pouvez voir la suite, sur La vie à croquer. La vie à croquer. Je pense que c'est écrit, achetez la revue. Et Lydie. Je suis par ailleurs militante écolo avec vous sur scène et du coup j'aime faire des ponts entre les luttes antispécistes queer et antilavidistes et mon Insta c'est Lydie avec 4 ou 3 i rare collé. Voilà. Ça aussi vous pouvez. Merci. Tu peux le dire à vous. Lydie rare sur. Trop bien. Bah, merci encore à vous trois d'être venus et d'avoir participé à la revue. Vous pouvez retrouver 3 entrées, voire 4, avec un poème de Charlotte dans le Z. Et on a une table qui, je crois, pour l'instant, est à l'intérieur, qui ensuite, pour les concerts, va être déplacée à l'extérieur. Mais il y aura tous les Z historiques, le nouveau, d'autres bouquins et puis bientôt vos brochures également. Merci voilà. Chloé. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Très à l'aise, donc merci à toi. Ouais. Voilà. C'est la fin de ce programme, c'était la jungle des luttes. Vous pouvez éventuellement nous réécouter la semaine prochaine, le jeudi de 8h à 9h30, ou consulter nos émissions sur le blog, le blog Jungle des luttes. Vous pouvez également rencontrer le comité de solidarité avec le peuple du Chiapas en lutte, CSPCL, le 1er, 3e et 5e mercredi du mois à 20h. C'est dans les locaux de la CNT, dans le 20e à Paris, 33 rue des Vignoles. C'est une assemblée ouverte, donc vous pouvez y venir pour partager des luttes, pour éventuellement apprendre de ce que nous, on peut partager avec vous sur les luttes des apatistes du Mexique, éventuellement d'ailleurs, ça dépend. Voilà, l'idée, c'est de surtout se rencontrer autour des résistances et de la construction d'un nouveau monde, si c'était possible, ou d'un autre monde surtout. Puisque, ben voilà, hein, c'est pas brillant tout ça, mais on lâche rien. Et ceux qui, justement, seraient intéressés pour aller au Mexique très prochainement, il y a l'éventuelle possibilité de faire des brigades d'observation. Et donc, pour ça, il faut une formation qu'on propose samedi et dimanche prochain au CICP. Par contre, il faut pouvoir vous inscrire à l'avance. Donc pour ça, je vous propose de consulter notre site et vous trouverez des informations sur la formation Bricos. Donc voilà, ce dernier week-end de mai, on vous y attend sur inscription, s'il vous plaît, pour qu'on puisse gérer et s'organiser. Ce sera un plaisir en tous les cas de vous voir. Donc c'est un peu court pour organiser. Il y a éventuellement la possibilité de ne venir peut-être qu'une journée. Éventuellement, on rattraperait une deuxième journée à un autre moment. Et en tous les cas, ben voilà, tenez-vous au courant de toutes ces luttes et de tous ces peuples en résistance. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve le 3e lundi du mois prochain, mois de juin. Donc voilà, merci à vous, la Lucha Sigue. Lucien, un grand salut à toi. On t'aime, la Lucha Sigue. On t'oublie pas.